Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce grand tour de la lanterne des otaku. Votre émission 100% Japon revient sur les antennes de Fatjet pour une toute nouvelle saison. Alors l'été a laissé place à l'automne, mais l'endroit où je vais vous emmener aujourd'hui prend un malin plaisir à jouer les prolongations. Située entre le Japon et Taïwan, elle nage entre les influences du pays du soleil levant et de l'empire du milieu. Et Okinawa, que nous allons découvrir, regorge de multiples richesses. Le japonais dont je vais vous parler aujourd'hui a créé ce qui a bercé mon enfance, mais pas seulement, celle de millions et de millions de personnes dans le monde, avec ses créatures qui lancent des attaques de type feu, électrique ou dragon. Vous l'avez compris, je ferai le récit du père de Pokémon, Satoshi Tajiri. Pour ce qui est de la partie pop culture, ce ne sera pas un manga, mais un jeu vidéo qui fera l'objet de mon coup de cœur. Et puis on enchaînera avec les sorties manga et conventions à venir. Enfin, ma samouraï du jour a concrétisé un projet que tout le monde rêverait d'avoir à Lunéville, celui d'ouvrir une librairie de manga. Elodie Echterbrock, qui a ouvert le Petit Mairie, nous en parlera tout à l'heure. Mais avant, place aux traditionnelles actus au pays des samouraïs. Il n'y a pas qu'en France où un premier ministre a dû démissionner ce mois-ci. Celui du Japon, Ishiba Shigeru, a annoncé quitter son poste ce dimanche. En effet, le Parti libéral-démocrate dont il est issu a essuyé une très lourde défaite lors des élections de la Chambre des conseillers du mois de juillet, ce qui est un petit peu l'équivalent des élections sénatoriales en France. Cette élection, elle devait renouveler à peu près la moitié, 125 des 248 sièges, et le parti au pouvoir n'en a obtenu que 39. Alors qu'il était en fonction depuis octobre de l'année dernière, M. Shigeru avait fait passer un budget non sans difficulté grâce à certains élus de l'opposition. Finalement, la sentence est tombée et le Parti libéral-démocrate, le PLD, doit organiser de nouvelles élections pour désigner le prochain Premier ministre. Comme quoi, M. Beirut ne sera pas le seul à être parti en vacances ce mois de septembre. Puisqu'on parle de vacances, justement, le Japon a battu une nouvelle fois son record de fréquentation sur les 6 premiers mois de l'année. 21,5 millions, c'est le nombre de touristes qui sont venus visiter le Japon, soit une hausse de 21% par rapport au premier semestre de l'année 2024. Selon l'Office national du tourisme japonais, le nombre a dépassé les 20 millions en 6 mois, le rythme le plus rapide jamais enregistré. Cependant, la plupart des voyageurs qui viennent de Hong Kong se sont fait avoir par une fake news qui a été citée dans un manga qui a été republié en 2021, évoquant un éventuel tremblement de terre cet été qui n'a pas eu lieu. Cette fausse rumeur n'a pas empêché les 300 à 400 000 Français de visiter le Japon ces dernières années. On peut aussi noter une forte hausse des touristes chinois, singapouriens ou même allemands. Enfin, la géante automobile japonaise, Toyota, va produire des véhicules électriques en Europe. Avec un investissement de 680 millions d'euros, la marque va débuter la fabrication à l'usine Kolín en République tchèque, qui sera la première production de véhicules électriques par Toyota sur le vieux continent. En tout, il y a 14 modèles qui seront commercialisés. Le gouvernement du pays, donc le gouvernement tchèque, compte également mettre la main à la poche en investissant 64 millions d'euros pour l'installation uniquement des batteries. Pour le moment, les détails sur les modèles et le calendrier sont pas encore révélés. Donc pour les clients de chez Toyota qui rêvent de prendre une voiture électrique de la marque, il va falloir attendre un petit peu. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fatjet. Shimu iro ni Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Situé entre Taïwan et le reste du Japon, cet archipel est à la croisée des influences sino-japonaises. Considérée comme la Hawaï du soleil levant, elle est très appréciée par les touristes du pays, notamment pour ses plages paradisiaques. Mais ne vous méprenez pas, Okinawa n'est pas une île comme les autres, et c'est ce que l'on va découvrir maintenant. Il faut savoir qu'Okinawa est un ensemble de petites îles. On peut compter celles de Kerama, de Miyakojima, Yaeyama, Daito et bien sûr Okinawa Honto, où se trouve la plus grande ville, Naha. Pour vous y rendre depuis Tokyo, il n'y a pas d'autre choix que de prendre l'avion. Hein, il faut compter à peu près 2h30 pour s'y rendre. Pour vous déplacer sur chaque île, de l'archipel, il est préférable de se munir d'une voiture et d'un vélo et ensuite de prendre un ferry sur chacune d'entre elles. Avant d'aller faire trempette sur les plages, ça serait bête de passer à côté de l'artisanat local. Par exemple, vous pourrez faire de la poterie au sein de Ishigaki Pottery Studio afin de créer votre propre shisa. Un shisa, c'est quoi? C'est grosso modo un chien lion qui se trouve sur les toits ou devant les maisons de l'archipel. Alors à propos de cette créature, on dit qu'en fonction de là où elle regarde, les shisa protègent les maisons d'Okinawa soit de l'eau soit du feu. Hein. Donc si vous voulez vous protéger des inondations ou des incendies, vous savez quoi acheter. Côté patrimoine, faites un arrêt au château de Shuri. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est le lieu de naissance d'un art martial très proche du karaté, le Shurite. En 1945, il fut détruit par les bombardements américains et en 2019, il a subi un incendie important qui a conduit à des travaux de rénovation devant se terminer en automne de l'année prochaine. Ce château c'était le dixième le plus visité au monde, avec en 2013 plus d'un million de visiteurs, et allant même jusqu'à, et tenez-vous bien, 3 millions en 2018, avant que cette terrible tragédie ne survienne. Par ailleurs, il a aussi accueilli en 2000 les dirigeants du G8, aujourd'hui G7, avec les dirigeants français, américains ou encore russes de l'époque-là. Après l'effort, le réconfort, donc je vous l'avais promis, avec les nombreuses plages paradisiaques aux eaux bleues turquoises, comme à Mibaru Beach, à Okinawa Honto, ou encore à Tsunayama Beach sur l'île de Miyako. Pour terminer sur une note plus folklorique, je vous recommande d'aller voir de la danse Eisa, où les danseurs frappent dans les tambours japonais afin de rendre hommage aux défunts. Pour ceux qui sont sur Paris ou dans la région parisienne, je vous conseille d'aller regarder de plus près l'association Paris Sanshin Club, qui met en avant les traditions d'Okinawa de par la musique et la danse. J'ai eu l'occasion d'aller voir leur performance à Japan Expo à Paris l'année dernière en 2024. Et franchement, l'ambiance était au rendez-vous. Hein. Okinawa, entre danse, artisanat et shurite, croyez-moi, vous allez adorer. Votre émission 100% culture nippon revient tout de suite sur Fadjet. Girl, I get you on my mind, get you on my mind. I need to just come, put you on the line. You're sweet and I say girl, sweet and I say girl, sweet and I say girl. Like a bullet sprinkle in the sun. You're sweet and I say girl, sweet and I say girl, sweet and I say girl. Like a bullet sprinkle in the sun. Écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Pikachu, Dracaufeu, Carapuce, ces noms ont marqué l'enfance de tant de personnes dans le monde. Que ce soit à travers les jeux vidéo, les cartes ou les dessins animés, Satoshi Tajiri a créé une licence qui traverse de nombreuses générations encore aujourd'hui. On peut se balader dans les rues en voyant des joueurs de Pokémon Go cherchant à capturer Mewtwo sur leur smartphone, déambuler dans les conventions avec des cosplays de Pikachu, ou encore écouter les enfants parler de l'épisode sorti dernièrement dans les cours de récréation. Tout ça n'aurait jamais été possible sans celui qui a mis au monde cette galaxie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Satoshi Tajiri, d'un grand geek japonais avec un grand J, que je désire vous raconter. Satoshi Tajiri a ouvert les yeux pour la première fois en 1965 dans la capitale nippone. À cette époque, Tokyo regorgeait de verdure avant d'être couvert de béton. Avant que cela n'arrive, ce jeune garçon allait dans les forêts à la recherche d'insectes. Scarabées, chenilles, papillons, il en faisait une collection. À l'image des cartes qu'il créera dans un futur proche, il en faisait des échanges avec ses copains. À défaut d'aller sur les bancs de l'école, il tomba amoureux des jeux vidéo. Il comptait plus les heures devant chaque jeu qu'il testait. Avec sa curiosité, il essayait de comprendre comment ces machines fonctionnaient, ce qui lui conduira plus tard à se former dans la conception de jeux vidéo. au lieu de devenir électricien comme le voulaient ses parents. Alors qu'il convoite de créer ses propres jeux, il va créer en 1989 le fanzine Game Freak et va par la suite rencontrer Ken Sugimori. Ensemble, ils vont transformer le fanzine en studio, le fameux studio que l'on connaît aujourd'hui. Tous les deux débordent de créativité et c'est cette énergie créative que le concept Pokémon va prendre forme. Et Sugimori est à la tâche pour dessiner les premières créatures. Après tant d'années de développement, de difficultés financières, Tajiri concrétise en 1996 son rêve en lançant Pokémon rouge et vert sur la Game Boy. Les enfants japonais cherchaient absolument à collectionner tous les Pokémon du jeu et à se les échanger avec le fameux câble Link. Le succès Pokémon prend de l'ampleur et s'étend à travers le globe. Un an après, en 1997, il donnera naissance au dessin animé avec un certain Satoshi, comme son prénom, ce qui donne en français Sacha, accompagné de son fidèle ami Pikachu qui marquera les 25 prochaines années. Après la popularité flamboyante des premiers jeux et la sortie de la troisième génération, Tajiri passe la main à Junichi Masuda, qui est aujourd'hui une des têtes de gondole de la marque. Tajiri, depuis, reste assez discret, ne donne presque pas d'interview, mais reste toujours en coulisses pour suivre le développement de cette immense galaxie. Depuis le démarrage de Pokémon, les chiffres sont vertigineux. Le journal Les Échos, en 2021, rapportait que 368 millions de jeux vidéo et 30 milliards de cartes ont été vendues dans le monde entier. Avec une vente de plus de 5 milliards de dollars, Pokémon est la licence la plus lucrative, devant même les Harry Potter ou les Star Wars. C'est dire. Ces dernières années, Game Freak n'a pas chômé, avec le développement de nombreux jeux, de nouveaux dessins animés, et n'en a pas encore terminé avec la sortie d'ici quelques semaines de Legend Pokémon ZA, le 16 octobre prochain, sur Nintendo Switch 1 et 2. Celui qui, enfin, collectionnait les insectes a créé plus qu'un nom. Une tendance qui a encore de beaux jours devant elle. Pokémon a fait partie intégrante de mon enfance. Je ne compte plus le nombre d'épisodes que j'ai regardés, le nombre de jeux vidéo auxquels j'ai joué. Je suis persuadé que dans les siècles qui vont venir, on parlera encore de Pokémon et de Satoshi Tajiri qui a révolutionné le jeu vidéo. Plus de Japon, plus de culture nippone sur la Fadjet dans la lanterne des otaku. Le coup de cœur de ce mois n'est pas un manga, mais un jeu vidéo. Celui-ci a connu quelques reports, mais a pu finalement paraître dans les magasins au mois de mars cette année. Il s'agit d'Assassin's Creed Shadows. Dans cet univers du Japon féodal en 1579, vous allez incarner pas un, mais deux personnages. Le premier, Yaoi, une assassin shinobi qui part en quête d'éliminer un clan pour venger son père et récupérer une boîte mystérieuse. Et Yasuke, donc le deuxième personnage, est un légendaire guerrier africain qui a été aux ordres d'Oda Nobunaga. Vous plongerez dans un magnifique monde ouvert au milieu des temples japonais et des cerisiers en fleurs. Et vous immergerez dans l'ambiance du Japon de l'époque Sengoku. Ayant raconté l'histoire d'Oda Nobunaga dans un précédent numéro de La Lanterne des Otaku, vous verrez que certains moments de son histoire retracés dans le jeu se sont avérés exacts, et c'est ce qui m'a rassuré. Mais je ne vais pas vous raconter davantage quel moment de l'histoire pour ne pas vous spoiler. Hein. Ce qui m'a également bluffé, c'est le graphisme. Vraiment très réussi, que ce soit au niveau des paysages, de la nature ou des reflets de l'eau. Les combats sont assez riches et l'histoire se suit assez bien. Ubisoft a attiré plus de 5 millions de personnes pour Assassin's Creed Shadows. Il reste le jeu le plus vendu en Europe pour le moment. Je dis bien pour le moment, car dans quelques semaines sortira Ghost of Yotei, qui pourrait lui faire de l'ombre. Affaire à suivre. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% culture japonaise sur Fadjet. tropical therapy. Get away. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Cette rentrée commence vraiment en beauté avec la très attendue sortie du tome 110 de One Piece ce 27 septembre. On continue de plus belle vraiment les aventures de Luffy et de son équipe, de son équipage au chapeau de paille sur l'île de Egghead du docteur Vegapunk face au fameux Gorosei, les 5 doyens du gouvernement mondial. On continue sur une note un peu plus féminine avec la parution en début de mois du 15e volume des Carnets de l'apothicaire, avec la disparition soudaine de Mao Mao qui reste un mystère. Puis admirer la toute puissance de Saitama dans le tome 32 de One Punch Man, disponible depuis la mi-septembre. Côté convention, on y va un petit peu plus en douceur là par contre, avec la Japan Otaku Festival qui se tiendra donc à Metz les 18 et 19 octobre aux arènes de la ville. Au menu, des ateliers cuisine, un atelier botanique, un concours cosplay comme d'habitude, ou encore une saxophoniste japonaise qui revisite des openings d'animés. Enfin, vous avez en terre alsacienne la Japan Manga Wave de Strasbourg, une semaine plus tard, les 25 et 26 octobre, avec la venue du comédien Emmanuel Carlsen, connu pour être la voix de Daryl Dixon dans The Walking Dead, à regarder sur Netflix, ou encore de l'amiral Kizaru dans One Piece. La Lanterne des Otaku revient dans un instant avec l'interview d'Elodie Echterbrock, gérante de la librairie manga au Petit Méry sur Fadjet. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Samouraï du jour a concrétisé un projet pour le moins ambitieux, celui d'ouvrir une librairie de manga à Lunéville. De son nom, le Petit Méry, elle propose de très nombreuses références susceptibles d'attirer les otaku de la ville et des villages aux alentours. Pour l'occasion, Fadjet s'est rendu à sa boutique pour échanger avec Elodie Echterbrock et ce beau projet. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir Fadjet dans votre librairie. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Alors, mon parcours, c'est depuis toute petite, j'ai toujours adoré les mangas. J'avais toujours eu cette idée d'ouvrir quelque chose qui m'est propre. Et d'où l'idée de lier passion et travail. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de nommer cette librairie le Petit Mairie ? Bon, j'imagine que tous les fans de manga qui nous écoutent ont la référence en tête. Ah, forcément, étant une très très grande fan de One Piece, parce que ça a été aussi le premier manga qui m'a initiée en fait dans le monde du manga. Et c'est vrai que le bateau One Piece, c'est le mairie, c'est la référence dans le monde du manga. Et je voulais faire un petit lien en même temps avec la culture française, c'est-à-dire les petits bateaux. Mairie pour le bateau japonais, donc au petit mairie. Et pourquoi avoir décidé de l'ouvrir à Lunéville plutôt que dans des grandes villes du département comme Nancy ? Alors, je voulais que ça soit Lunéville parce que ça reste une grande ville. Il y a quand même 17 000 habitants. Et habitants aussi sur Lunéville, je trouvais ça logique d'allier les deux. Sachant que, pallier au fait que c'est pas non plus une grande ville comme Nancy, j'ai aussi un site internet. D'où le fait de m'établir un petit peu en retrait. Puis pour aussi faciliter les petits jeunes qui peuvent pas aller tout le temps sur Nancy. Parce qu'il y a les transports, il y a assez loin. J'essaye d'allier vraiment tout ça. D'accord. Et à peu près, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Comment est-ce que vous y êtes pris de A à Z pour que cette librairie puisse ouvrir ses portes ? Oula, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris énormément de temps. Déjà, c'est de trouver l'idée. Déjà, j'avais plein d'idées en tête, plein d'idées. Et forcément, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a quand même une sacrée différence. Donc, j'ai essayé déjà de chercher qu'est-ce qui est faisable dans le secteur. Une fois que j'avais trouvé mon idée, j'ai été aidée et accompagnée par BGE, qui m'ont aidée à monter mon business plan. Et une fois que mon business plan était monté, donc avec études de marché, déterminer ce que j'avais besoin comme fonds, tout ce qui va avec, j'ai fait les demandes auprès des banques, prêts d'honneur. J'ai monté mon projet de mes petites mains et puis ça s'est concrétisé. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes logistiques ? J'imagine que ça n'a pas été de tout repos. Effectivement, oui, ça a été très très très compliqué, n'ayant de base aucune connaissance libraire, c'est-à-dire je me suis vraiment lancée juste par passion, parce que j'adore ça, et l'expérience vient après. On se la forme, quand on n'arrive pas à en avoir, on se la fait. Et effectivement, j'ai eu pas mal de déboires. Déjà, pour trouver un local, ça a été compliqué. Parce que pour beaucoup de personnes, on dirait pas, mais les mangas, c'est pour les... Je mets vraiment des gros guillemets pour les enfants. Alors que pas du tout. Que pas du tout. C'est une idée reçue. Mais vraiment, c'est une complète idée reçue. Mais j'ai des personnes qui m'ont refusé des visites de local. Parce que pour eux, ça allait pas durer. C'était éphémère, c'était qu'un passage. Donc, trouver un local, déjà, ça a été compliqué. Ensuite, je savais pas qu'il existait ce qu'on appelle des logiciels libraires qui permettent de déterminer tous les livres qui existent, en fait. Sauf que ça a un coût. Donc pareil, c'est un énorme coût que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas anticipé, que j'aurais voulu savoir ça à l'avance, mais que malheureusement, manque d'infos, je n'ai pas pu. Et puis, le fait que aussi je sois enceinte, ça a émis forcément des problèmes par la suite, même si c'était voulu. Très bien. Pour les premiers clients qui sont venus dans votre boutique, ça a été quoi le... Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette initiative de votre part d'ouvrir cette librairie? Ah, ils étaient tous très contents. Vraiment, le jour d'ouverture, j'avais fait un petit truc sympa. C'est que donc j'ai ouvert le 28 juin. Et j'avais mis à disposition donc des apéritifs, des mochis justement pour faire une dégustation de mochi le jour d'ouverture pour inciter voilà à déguster un petit peu tout ce qui est la culture japonaise aussi bien en livre mais en gustatif. Et j'ai eu énormément de personnes qui sont venues avec le sourire. Ah ouais, c'est génial, vraiment. Dans le secteur de Lunéville, il y en avait pas. C'était voilà, vraiment on m'a accueilli à bras ouverts. J'ai eu énormément de monde le jour d'ouverture. J'étais très contente. Heureusement que mon papa et mon compagnon étaient là pour me soutenir ce jour-là. Donc ouais, non, vraiment très très ravie, très très ravie. Est-ce que comment est-ce que vous comptez un petit peu vous, parce que vous, la plupart des boutiques de manga sont plutôt plus concentrées sur Nancy. Comment est-ce que vous voulez vous démarquer par rapport à cette concurrence, bon, qui est certes à une trentaine de minutes de Lunéville, mais qui reste, enfin, où il y a une forte concentration. Déjà, du fait que j'ai un site internet, déjà, ça, pour beaucoup, non pas, parce que ça demande énormément de temps, d'énergie. Là, moi, je vais me concentrer aussi sur ça pour favoriser les petits villages aux alentours. Moi, je pense à Crévic parce que pendant très longtemps, j'ai vécu à Crévic parce que mes parents habitent là-bas. Voilà, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est vraiment là qu'en brousse. Et donc, quand on veut se procurer le dernier tome ou si on veut des conseils, si on veut, au final, à part la Fnac ou Amazon sur Internet, on ne sait pas trop où s'orienter. Moi je vais avoir ma petite librairie et en plus le site internet, donc comme ça ils auront le conseil et la possibilité de se faire livrer directement chez eux. Et en plus j'aimerais faire des partenariats dans le secteur pour pouvoir promouvoir vraiment toute cette culture japonaise qui prend un impact considérable. Juste pour rappeler quand même quelques notions, on est quand même en France le deuxième consommateur de manga, juste après les Japonais. Après le Japon, tout à fait. Voilà, donc dans le monde c'est quand même bien. C'est que vraiment il y a un gros impact et qu'au final on est... je dis on parce que c'est... Les fans de manga, on est un petit peu sous-estimés et il n'y a pas vraiment tant de choix que ça, même de conseils. Donc je vais à fond essayer de faire des partenariats et travailler en même temps avec les petits commerces du coin et allier à tout ça quoi. Si vous aviez parmi ce que vous proposez trois références à recommander absolument à quelqu'un qui entre pour la première fois dans une boutique de manga et qui veut découvrir ce que c'est que qu'un manga, qu'est-ce que vous auriez à conseiller? Alors moi je vais essayer déjà de voir plusieurs choses, forcément l'âge, parce que l'âge va déterminer vers où je vais l'orienter. Je vais pas lui conseiller du seinen, par exemple, alors qu'il a 8 ans. Voilà. Du contenu pour adultes, hein. Voilà, c'est vrai que, pour le coup, je vais pas du tout l'orienter vers ce type de manga-là. Donc déjà, d'une part, ça va être l'âge, et d'autre part, ça va être ses préférences. Il va être plus basé sur du sport, s'il aime la fantasy, ou s'il aime plutôt des choses plutôt réalistes. Mais en soi, moi, forcément, je vais m'orienter vers des mangas que j'admire beaucoup, que j'adore. Il y a le grand classique One Piece, forcément, vu que j'ai ouvert la boutique. mon top 2, qui au final est un petit peu méconnu, c'est Promised Neverland, parce qu'ils en ont fait un animé, mais au final il est, pour être poli, pourri. La saison 1, elle est très bien, par contre la saison 2, ils ont loupé 14 tomes, vraiment c'est incroyable. Donc si jamais... Vous voulez vraiment vous lancer dans la série là, lisez-le plutôt que de le regarder, il est beaucoup mieux. Et ensuite, un autre en seinen, je dirais, j'hésite entre Made in Abyss ou Les Carnets de l'Apothicaire. Made in Abyss, on est un petit peu sur un design très très mignon, mais qui au final part beaucoup dans du gore. En tout cas, c'est quand même catégorisé comme gore. Et Les Carnets de l'Apothicaire, parce que ça reprend beaucoup de faits réels, donc ça demande une certaine maturité pour lire ce manga-là. Donc, ouais, c'est deux mangas qui sont très très bien aussi. Après, je sais pas s'il faut que je donne aussi d'autres mangas dans chaque catégorie, sachant qu'il y en a beaucoup. Non, bah, c'est les trois références, c'est très bien. En parlant, puisqu'on reste sur des conseils, justement, est-ce que vous auriez qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui voudraient se lancer dans un projet similaire au vôtre, c'est-à-dire ouvrir une librairie de mangas? Comment est-ce que vous pourriez les motiver, en fait? Ah, comment les motiver? Bah, bon courage. Parce que sincèrement, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir énormément de volonté. Et ouais, c'est vraiment de la volonté pure et dure. Là, pour le coup, l'administration française n'aide pas du tout à ce niveau-là. Il y a beaucoup de paperasse, donc c'est très, très, très dur, très fastidieux. Ouais, non, vraiment, bon courage. Voilà, j'aurais pas d'autres mots. Si vraiment c'est quelque chose qui vous passionne, que ça soit le manga ou autre chose, ne pas hésiter, quoi. Vraiment, foncez, mais courage. Ma dernière question. D'habitude, dans La Lanterne des Otaku, je demande quelle est votre propre définition du Japon, mais je vais la poser autrement. Quelle est votre propre définition à vous du manga? Un univers ouvert. Je dirais que chaque manga va avoir sa personnalité, chaque manga va avoir son histoire, et en fait c'est tellement large, c'est tellement ouvert que ça peut convenir à tout le monde, à tous les âges. C'est juste un univers extraordinaire qui me fascine depuis tant d'années, qui au final ne diminue pas, on évolue avec, on grandit avec l'univers du manga, et c'est juste génial en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est d'où le fait que j'ai ouvert cette boutique, parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire que même si on n'aime pas One Piece parce que c'est long, il y aura toujours un manga pour nous plaire et pour nous satisfaire. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ça existe depuis très longtemps. Hein, je prends Goldorak par exemple, ça reste un manga, mais ça existe depuis déjà 40, 50 ans, si je me trompe pas. des dizaines d'années, voilà. En effet. Et on espère que la librairie de manga durera le plus longtemps possible, et on n'en doute absolument pas. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir répondu aux questions. Et est-ce que on peut possiblement vous retrouver dans des conventions à venir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut s'intéresser aux différentes arrivées de nouveaux titres, etc.? Oui, bien sûr. Déjà, il y a ma page Facebook, donc c'est pas compliqué. Au Petit Méry, j'ai Insta, au Petit Méry aussi. Et voilà, donc mon site internet, aupetitmery.fr. Voilà, pour l'instant, les conventions, c'est pas tout de suite. J'ai d'autres projets. Là, par exemple, en ce moment, j'ai un concours dessin pour la sortie justement du tome 110 de One Piece, le 27 septembre. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce 10e numéro de La Lanterne des Otaku, que je dédie à mon ami Yvan, un grand passionné du Japon qui a pu y voyager et qui nous a malheureusement quittés au mois de juillet, et j'ai une pensée très émue pour lui. J'espère que de là où il est, les ondes de cette émission viendront à lui. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Sayonara à tous.